Bon, et maintenant, tous ensemble. Vous venez avec nous? Allons. Bien sûr, l'aventure continue. Maintenant, je fonce, Alphonse. Ah, c'est bien, alors allez, on y retourne. Il y a un peu plus de deux siècles, réussir à embarquer à bord d'un navire pour vivre la grande aventure quand on était une femme constituait déjà une épreuve en soi. Les grandes missions d'exploration de l'époque étaient, pensait-on, bien trop périlleuses et sérieuses pour que la gente féminine y prenne part. Mais certaines pionnières n'ont pas hésité à braver les interdits et à embarquer déguisées en hommes. C'est ainsi que Jeanne Barrette est devenue la première femme à effectuer le tour du globe en participant à la grande expédition dirigée par Bougainville. Que décennies plus tard, c'est également travesti en homme que Rose de Fraissinet embarquera clandestinement sur un navire du roi pour effectuer elle aussi le tour du monde. Leur nom est moins connu que celui des hommes auprès desquels elles ont navigué. Nous allons réparer cette injustice. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur la vie et l'histoire de ces intrépides exploratrices avec l'écrivaine Christelle Mouchard qui a beaucoup écrit sur les aventurières d'hier. Elle va nous emmener dans le sillage de ces femmes qui, pour vivre la grande aventure, ont affronté les éléments en même temps que les conventions sociales de leur époque. De tous côtés affluaient des pirogues chargées d'insulaires qui, riant et chantant, brandissaient des branches de bananiers en signe de bienvenue. Beaucoup apportaient aux arrivants des cochons de lait, des bananes, des mangues, des noix de coco, qu'ils se mirent à échanger contre eux des bagatelles. « Taïo, taïo » répétaient-ils, ce qui voulait dire « ami ». Arrivé à Tahiti en 1768 de l'expédition dirigée par Bougainville, plus de 200 hommes débarquent en Polynésie, plus de 200 hommes et une femme, Jeanne Barrette, qui s'est faite passer pour un homme pour pouvoir embarquer. À cette époque, Christelle Mouchard, les femmes n'étaient pas les bienvenues à bord? En fait, les femmes étaient interdites à bord des vaisseaux du roi. Il y avait des femmes à bord des navires marchands, mais à bord des navires du roi, elles étaient formellement interdite et les sanctions pouvaient être très dures, y compris à l'encontre des officiers du vaisseau sur lequel elles avaient embarqué. Qui les avaient autorisés à monter à bord. Même s'ils n'étaient pas au courant, si elles étaient découvertes, les sanctions pouvaient être extrêmement dures. Pour quelles raisons? Comment c'était? Est-ce qu'on justifiait, en tout cas, à l'époque? Alors, à l'époque, la justification la plus probable était que c'était la crainte d'embarquer des prostituées. Tout simplement. C'était vraiment, là, c'était une crainte qui était en quelque sorte fondée, parce que là, effectivement, ça pouvait conduire à des désordres qui étaient redoutés. Ce qui les témoins, c'était d'envisager qu'une femme ne puisse être que prostituée à bord du bateau. Voilà. Évidemment. Et de là à penser que toute femme embarquée était soupçonnée d'être une prostituée, c'est ça qui a conduit à une sorte de fantasme puis tabou qui demeure encore largement aujourd'hui. Ouais. Alors, l'expédition de Bougainville à laquelle elle va participer, Jeanne Barrette, est l'une des plus emblématiques du siècle des Lumières. C'est la première circumnavigation, pour le dire avec des mots savants, circumnavigation officielle française. C'est pour la première fois qu'on fait le tour du monde. Voilà, exactement. C'est pour ça que cette expédition a eu une telle importance dans l'histoire de la navigation. Et en plus, Bougainville embarquait avec lui donc des savants. Et il était à la fois l'image de la France autour du monde et l'image des Lumières embarquées autour du monde aussi. Alors, Jeanne Barrette, défiant toutes les conventions sociales de son époque, elle va participer à cette aventure, mais rien ne la prédestinait à un tel parcours. Qui est-elle, Jeanne Barrette? De quel milieu social vient-elle? Au contraire, oui, c'est ça qui est le plus fascinant dans cette aventure, c'est que pour la première fois, sort de l'ombre une femme issue d'un milieu paysan des plus modestes. Et c'était des femmes qui n'avaient pas la parole et qui étaient invisibles le plus souvent, sauf dans les caricatures ou dans les bergeries de la cour, mais ces femmes-là ne parlaient pas. Or, grâce à cette aventure extraordinaire qui lui est arrivée et grâce aussi à Bougainville qui l'a décrite, cette femme-là, cette petite Jeanne Barret, est sortie de l'ombre. Et donc, petite paysanne, il se trouve qu'elle a été engagée par un botaniste, Philibert Commerson, pour être la gouvernante de son fils. Et de gouvernante, elle est devenue... Alors là, il y a deux façons de raconter l'histoire. Hein. Ouais. Celle qui a prévalu pendant très longtemps de gouvernante, elle est devenue sa maîtresse. Commerson lui aurait appris à lire. Commerson lui aurait l'aurait formée à devenir son aide botaniste. Ouais. Et Commerson l'aurait embarquée en tant que sa maîtresse, on va dire. À bord du bateau. À bord du bateau. Quand il se rencontre, parce que vous allez très vite sur toutes ces étapes, quand il se rencontre, elle a 24 ans, elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Par rapport à elle est même plus jeune que ça, parce qu'elle a 24 ans quand elle s'embarque. Ah oui. Et donc, quand il l'a rencontrée, elle est vraiment très jeune. Ouais. Et donc, effectivement, raconter comme ça l'histoire. N'est pas très valorisante cette pauvre Jeanne Barret qui subit. Voilà, malheureusement, très souvent, cette histoire a été déguisée en bleuette, on va dire, une histoire d'amour de cette jeune fille qui part par amour avec Commerson. Et quand on regarde les textes, et le texte de Bougainville lui-même d'ailleurs, ça n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. C'est-à-dire que Jeanne Barret avait déjà des connaissances en botanique, elle savait déjà lire et écrire, et elle est réellement devenue une aide botaniste efficace. Mais alors, avant le départ, c'est-à-dire qu'au contact de Commerson, il semble qu'elle ait pris goût à la botanique et que d'elle-même, elle ait demandé à apprendre, elle l'ait assistée avant même que le projet du voyage ne soit évoqué. Elle avait ce goût, cette curiosité pour les plantes. Elle avait cette curiosité et peut-être même, alors ça c'est, on ne le sait pas parce que les textes ne le disent pas, mais on peut le supposer, une connaissance. Ouais. Parce que justement, elle était d'origine paysanne et on peut supposer qu'elle connaissait un certain nombre de plantes de son univers. Et Commerson donc a pu effectivement la former, mais aussi lui demander effectivement de l'aide. Hein. Les textes ne le disent pas, sont des interprétations. Il y a plusieurs façons de raconter cette histoire. Exactement. Donc je donne les deux sans vraiment trancher. Et alors, quand Louis-Antoine de Bougainville s'est vu confier cette mission de la plus haute importance par Louis XV à l'époque, c'est lui qui veut envoyer cette mission faire le tour du monde, il doit s'entourer de grands scientifiques et notamment de botanistes. Et alors le nom de Commerson va lui venir à l'esprit. Pourquoi pense-t-il à Commerson ? Alors Commerson était déjà très connu parmi les savants du Jardin du Roi, c'est-à-dire ce qui était l'actuel muséum d'histoire naturelle, on va dire. Et donc, son nom circulait dans ces milieux-là depuis très longtemps. Il est aussi médecin, donc ça compte également. Et Jeanne Barret a peut-être, là encore c'est une interprétation, des connaissances, des simples, comme on disait, qui peut aussi aider. Donc ça, alors mis à part cela, Commerson fait partie d'un milieu éclairé, c'est le milieu des Lumières. Nous sommes dans un milieu de francs-maçons. Il y a Commerson, il y a Lalande qui est un astronome très bien en cours, on va dire, qui va appuyer la demande de Commerson, et Bougainville aussi. Donc tout ça est probablement ça se passe à l'intérieur d'un réseau éclairé des Lumières. Toujours est-il qu'un jour, Philibert Commerson reçoit un émissaire du roi qui l'invite à prendre part à cette grande expédition de Bougainville. Vous connaissez Monsieur de Bougainville ? Oui, de nom. C'est un seigneur de la cour, je crois, un officier qui a combattu les Anglais au Canada. C'est lui. Eh bien, figurez-vous, le roi vient de lui confier, en fatigue, la première circumnavigation officiellement française, une expédition si grande et si prestigieuse que le nom de Bougainville y restera attaché à jamais. Je commence à comprendre. Voilà, car vous imaginez qu'il y aura à bord... Un botaniste. Vous vous rendez compte ? Un tour du monde de découverte sur les vaisseaux du roi ? Jérôme, je vous dois un aveu. Je n'ai plus la santé. Oui, c'est la rançon de mes courses à travers les montagnes. Mes herbiers m'ont coûté mes forces. Je ne voudrais pas qu'elles me coûtent ma vie. Et la gloire, Commerson. La science, le soleil de la raison, peuvent-ils souhaiter de meilleurs ambassadeurs que vous dans les mers du Sud ? Imaginez. Vous allez à la rencontre d'hommes qui ignorent tout de nos rois et de nos jésuites. Vous ferez œuvre de philosophe autant que de savant. Oui, bien sûr, Jérôme, mais ce sont plusieurs années de voyage. Ce sont des tempêtes, des maladies... Et vous savez que j'en serai de ma poche, ça, à coup sûr. Soyez sans crainte. Nous mettrons tout en œuvre pour que vous ne manquiez de rien. Et à votre retour, vous aurez une pension. Allez, Philibert, trinquons à la science. À la science. un extrait d'une fiction diffusée dans l'émission de Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Alors, il s'agit d'une reconstitution. Il y a beaucoup de romans autour de cette histoire. En tout cas, il semble, dans cette version, dans un premier temps, Philibert de Commerson n'est que moyennement partant pour cette mission. En revanche, sa compagne, Jeanne Barret, est beaucoup plus enthousiaste à l'idée de participer à cette grande aventure botanique. C'est tout à fait possible. En tout cas, dans les lettres que Commerson écrit à son beau-frère, il se défend de vouloir partir. Il s'excuse d'avoir été choisi et effectivement, il invoque sa santé qui, de fait, était très mauvaise à l'époque. Il est un peu plus âgé, lui, que Jeanne Barret. Il est plus âgé, oui, il a 10 ans de plus que Jeanne. Et on peut penser qu'elle était très partante, puis parce que en fait on peut le déduire d'un testament qu'a fait Commerson, dans lequel il lègue de l'argent à Jeanne avant son départ, sous réserve qu'elle classe et qu'elle fasse connaître son œuvre de botanique. Or, ce testament a été écrit quand il savait qu'il partait, il est parti, et malgré tout, Jeanne est à bord. Ouais. Donc elle n'est pas restée dans l'appartement. Ouais. Donc c'est certainement pas de toute façon Commerson qui lui a demandé de venir. Oui, vous êtes en train de dire que lui, il s'imaginait partir tout seul et qu'elle, elle serait là pour éventuellement, si ça tourne mal, gérer le testament. Voilà. Or, Jeanne va embarquer. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce testament et le moment où le valet Jean Barret embarque à bord de l'Étoile? Il faut l'imaginer. Valet Jean Barret, comme vous dites, c'est Jeanne Barret qui se grime en homme, qui va s'habiller comme un homme et qui va se faire passer pour le valet Philibert Commerson. La supercherie, on va dire, reste jusqu'au premier jour de l'embarquement. C'est-à-dire Commerson embarque seul et tout d'un coup monte à bord, effectivement, un valet qui lui a été attribué par le roi et qui est un jeune garçon, petit, quand même avec des formes un peu rondes, il faut bien dire, et qui se présente sous le nom de Jean Barret, et qui a effectivement des connaissances en botanique, et c'est pour cela qu'on lui a attribué le rôle d'être botaniste auprès de Commerson. En quoi consistera leur travail à ce botaniste et à son valet assistant botanique, qui est en fait sa compagne Jeanne Barret? C'est un travail énorme en fait, parce qu'il est, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de recherche botanique tous azimuts, c'est-à-dire à chaque escale, il faut récolter le maximum de plantes, ce qui est un énorme travail, parce que c'est dans toutes les conditions, parfois dans un délai très court, parce que les escales ne sont pas souvent longues. Et il y a aussi un autre aspect, c'est celui qui revient plutôt au médecin, on va dire, et à l'aide botaniste, probablement ayant une connaissance des simples, on va dire, qui est de combattre le scorbut en cherchant d'éventuelles plantes pour qu'ils soignent, en fait. Il y a cet aspect-là. Ouais. Puis après, il y aura une autre mission, mais qui ne sera pas remplie, celle de voler, on va dire, les plantes exploitées par les Hollandais ou d'autres nations. Donc la mission, on le comprend, est vaste. Ils ne seront pas trop de deux pour la remplir. À la fois Philibert Commerson et son valet, sa compagne Jeanne Barret, déguisée en homme Jean Barret. Ça passe inaperçu. En tout cas, ça passe. Elle monte à bord déguisée en homme. Nous sommes en février 1767. Ils embarquent à bord de l'Étoile. C'est le bateau qui les emmènera pour ce long périple. Bougainville, lui, est sur un autre bateau. Voilà, c'est ça, sur la Boudeuse. Il y a deux bateaux, en fait. Ouais. Commerson est sur l'Étoile. Ils partent chacun sur leur bateau. Quel est le trajet prévu pour cette expédition? Alors, la première étape se fait aux Malouines, pour des raisons politiques qui ne sont pas le sujet de l'émission. Après, il y a une escale à Rio de Janeiro. On passe par le détroit de Magellan. Là, le bateau va y rester très longtemps, ce qui sera extrêmement important pour les recherches de Commerson. Puis, c'est une traversée du Pacifique absolument incroyable, parce qu'en fait ils sont arrivés droit sur Tahiti. Donc découverte de Tahiti, en fait qui n'était pas une vraie découverte, parce qu'elle avait été déjà découverte avant, mais enfin bon, bref, il y a une sorte de découverte totalement mythique de l'île de Tahiti. Puis il y aura une remontée vers, alors là qui est absolument, là une partie de la de la navigation extraordinaire, parce que Bougainville va remonter au nord de la Nouvelle-Guinée, donc dans des eaux extrêmement dangereuses, totalement inconnues, et redescendre de l'autre côté pour traverser l'océan Indien. On va voir comment tout cela va se passer. Voilà donc Philibert Commerson et Jeanne Barret, alias Jean Barret, partis pour un très long voyage. Comment va-t-il se dérouler? Combien de temps la supercherie va-t-elle tenir? C'est ce que nous allons voir. Respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I've been too long, forgetting that the constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making plot to take down me name. To call me small island girl, now I travel the world. Anyway they go, they know I am Calypso Rose, queen of Calypso. Calypso Rose chantait Calypso Queen sur France Inter. 4 heures que nous marchons. Avec les paniers, le matériel, j'ai les pieds en sang. Les bras qui tremblent. Ce n'est pas que je me plains, je ne fais rien que ce que je veux. Et puis ici, c'est le paradis terrestre. On ne sait plus où donner de la tête avec toutes ces plantes, ces fleurs, ces lianes. Tant pis pour la fatigue. Je suis bien comme Philibert, tiens, avec sa fureur d'herborisée. Mais comment se contenir quand chaque pas est payé d'une découverte? Ouh, la pirogue. Enfin, je ne suis pas fâchée de rentrer tout de même. Jeanne Barret, descendue de son bateau, l'Étoile, elle est déjà arrivée au Brésil où elle commence à herboriser, à regarder la nature en pleine forêt amazonienne. Et visiblement, Christelle Mouchard, elle y prend un plaisir fou. Elle ne regrette pas le voyage. Pas du tout. Le émerveillement est évident. Hein. Les textes de Commerson. Alors bon, encore une fois, Jeanne n'a pas écrit, donc il est difficile de la citer. Mais les textes de Commerson recouvrent évidemment son émerveillement. quasiment également, parce qu'elle l'accompagnait partout, voire elle le précédait, puisqu'encore une fois, son état de santé était quand même très défaillant. Ouais. Et évidemment, cette multiplicité d'espèces végétales qui se déploient devant eux est un trésor, surtout pour un fanatique de la botanique. Il faut vraiment dire des fanatiques de la botanique qu'ils étaient. Ouais. Ils arrivent au Brésil après 5 mois de voyage. Hein. Ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment. Dans quel état ils sont? Alors, ils rejoignent Bougainville, parce que Bougainville, on l'a dit, était sur un autre bateau. Voilà. Hein. Là, ils se rejoignent avec Bougainville. Ils se rejoignent à Rio de Janeiro. Et la traversée, c'est plus ou moins bien passé dans la mesure où Commerson a été très malade, beaucoup souffert du mal de mer, mais cela lui a permis de demander à ce que son balai reste avec lui. Oui, c'est-à-dire que, alors voilà, parce qu'il fallait justifier le fait, ce mystérieux valet au trait un peu féminin, mais qui se dit être un homme, et a priori pour le moment l'équipage y croit, il a fallu justifier qu'il partage la chambre de la personne qui l'accompagne, à savoir le botaniste Commerson. Voilà, alors ça a été facilité d'une part parce que le commandant du navire, la Giraudet, a laissé sa cabine, donc la cabine principale, à Commerson. Et aussi parce que Commerson étant malade, et apparemment malade non seulement de son état de santé d'origine, mais en plus du mal de mer, il a pu demander, et cela lui a été accordé, de garder son balai auprès de lui. Et on imagine que pour Jeanne Barret, qui sur le bateau est officiellement Jean Barret, il est plus simple de garder cette identité d'homme en partageant la chambre de Commerson, plutôt que si elle avait dû dormir avec le reste de l'équipage, parmi les matelots. Parmi les matelots. Les hommes d'équipage étaient séparés de ce qu'on appelait les serviteurs, qui dormaient ensemble, mais même parmi les serviteurs, ça aurait été extrêmement difficile à garder. Après le Brésil, le bateau repart. Ils sont partis pour faire le tour du monde, ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. La prochaine grande étape? Alors, la prochaine étape, la plus importante, on va dire, dans l'itinéraire de Jeanne et de Commerson, c'est le détroit de Magellan, dans lequel le bateau va rester pendant très longtemps. Ils vont entrer en contact avec les Patagons, et en terre de feu, le bateau reste suffisamment longtemps pour que Commerson et son aide botaniste accomplissent de véritables prouesses en matière de botanique. Et c'est à ce moment-là que Jeanne, on va dire, acquiert un droit d'exister dans l'équipage. Elle est reconnue pour son courage, sa bravoure. Elle est toujours devant. Elle porte tout le matériel du botaniste, qui est vraiment très lourd. Mmh. C'est elle qui le porte. Ouais. Et elle est toujours devant. Elle impressionne l'équipage, hein, par sa force, par sa volonté. Elle est, même pour ceux qui croient encore que c'est un homme à ce moment-là, c'est un petit bonhomme, pas très épais. Voilà, qui intrigue quand même, hein, ouais. Qui intrigue. C'est parce qu'il y a plusieurs journaux donc qui racontent cette expédition, et tous mentionnent quand même l'étonnement, on va dire quand même, grandissant de l'équipage devant l'aspect physique de ce valet. Mais comme Bougainville le dit lui-même, elle a vraiment gagné sa place par son courage, par son obstination et son travail d'aide botaniste, véritablement. Et puis après le détroit de Magellan, eh bien, ils arrivent à Tahiti. Là aussi, c'est une des grandes étapes du voyage. Extrait du journal de Bougainville racontant l'arrivée à Tahiti et l'accueil des habitants. À mesure que nous avions approché de la terre, les insulaires avaient environné les navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux que nous eûmes beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en criant « Taïo », qui veut dire « ami », et en nous donnant 1000 témoignages d'amitié. Tous demandaient des clous et des pendants d'oreilles. Les pirogues étaient remplies de femmes qui ne le cèdent pas pour l'agrément de la figure au plus grand nombre des Européennes et qui, pour la beauté du corps, pourrait le disputer à toutes avec avantage. La plupart de ces nymphes étaient nues, car les hommes et les vieilles qui les accompagnaient leur avaient ôté le pagne dont ordinairement elles s'enveloppent. Je le demande, comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, 400 Français, jeunes, marins, et qui depuis 6 mois n'avaient pas vu de femme. À Alors là aussi, Christelle Mouchard, est-ce qu'il faut prendre au pied de la lettre le récit de cette arrivée? Est-ce qu'il a été romancé par Bougainville? Alors, il n'a pas été romancé. Certainement, il décrit ce qu'il a vu. Il est interprété par Bougainville dans le choix des mots. Il est interprété par cet homme des Lumières, qui avec toujours ce fond d'humour que l'on perçoit dans le choix des mots, cette extrême élégance du style. Mais bon, évidemment, il ne comprend pas la scène qu'il voit. Et aucun homme présent ne la comprend, évidemment. Donc, mais c'est extraordinaire, parce que là, on est vraiment dans la scène mythique. Qui va fonder le mythe de la nouvelle Cythère. Le mythe, on est en plein dans le mythe du bon sauvage, et ça je pense que Bougainville le sait au moment où il écrit, et c'est pour ça que ces quelques pages sont extrêmement importantes, on va dire, dans l'histoire des navigations, et même dans l'histoire des idées en France. Et alors, dans l'histoire, voilà, dans la grande histoire, et aussi dans l'histoire personnelle de Jeanne Barret, puisque la version plus ou moins officielle de cette histoire, c'est que c'est à l'arrivée à Tahiti, que le poteau rose est découvert et qu'on comprend que Jean Barret est en fait Jeanne Barret et qu'une femme a fait la traversée sur ce bateau. Voilà, en fait, Bougainville le raconte tel quel, disant que ce sont les Tahitiens qui, voyant Jeanne au milieu d'un groupe d'hommes, ne s'en sont pas laissés compter et ont tout de suite compris que c'était une femme. Et d'autres, notamment il est cité le Tahitien qui est embarqué à bord, qui est à Autourou, qui voyant Jeanne parmi l'équipage, commence à dire vaïné, vaïné. Et donc Bougainville date la découverte du sexe de Jeanne Barret de ce moment-là. Alors bon, il y a beaucoup à dire sur cet épisode qui lui aussi est mythique, s'inscrit dans l'idée générale de Tahiti comme hyper sexualisé, on va dire. Bon, et là on est vraiment dans le mythe, hein, c'est Bougainville se sert probablement de ces sauvages, hein, entre guillemets, pour on va dire valider officialiser le fait qu'il y a une femme à bord, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment se poser la question de savoir si elle n'a pas, en fait c'était un secret de Polichinelle depuis un bon moment. C'est ça, il a fallu un peu officialiser les choses, voilà. Beaucoup de gens devaient s'en douter, certains fermaient les yeux, et dans le récit de son histoire, Bougainville choisit ce moment-là comme le tournant où tout le monde est officiellement au courant. Et ça suppose, en fait, quand il raconte ça, cela veut dire Nous, marins français, ne pouvions absolument pas deviner le sexe de cette femme. Il a fallu des sauvages près de la nature pour la découvrir. Oui. Donc, il se dédouane aussi auprès du ministre en disant « Mais moi, je ne pouvais absolument pas le savoir, preuve !» Alors, une fois que l'on découvre que Jean Barret est en fait Jeanne Barret, elle continue le voyage. Elle continue le voyage. Alors, les journaux qui décrivent la découverte de Jeanne sont contradictoires, hein. Sur la date, il y a plusieurs interprétations, mais bon, on a retenu celle de Bougainville. Et en fait, Jeanne va, ayant gagné sa place de toute façon comme équipier, elle va la garder. Il n'y a aucune raison que l'attitude des autres change. Simplement, elle va cesser de bander sa poitrine, ce qui pour elle est effectivement un avantage. Et c'est dit tel quel, Bougainville et d'autres, un médecin du bord. Finalement, ils lui rendent service. Ils lui ont rendu service d'une certaine manière. Alors bon, probablement qu'il y a eu quelques scènes humiliantes qui sont plus ou moins suggéré accompagnant cette découverte quand même, mais d'une façon générale, ce qui est notable, c'est qu'elle a continué le voyage toujours habillée en homme et simplement libre de ses mouvements et libre d'agir comme elle le souhaitait dans l'équipage. Donc elle était quand même toujours habillée en homme. Toujours habillée en homme. Alors vous dites il y a eu certainement des passages un peu humiliants. Est-ce que l'on sait aussi si cette femme seule dans un univers d'hommes a parfois eu à subir de la part des autres marins des comportements déplacés? Alors, les sources sont contradictoires. Bougainville ne le dit pas. Le médecin du bord de l'Étoile le dit. Il évoque une scène qui se serait déroulée lors d'une escale en Nouvelle-Irlande, où des hommes Parce qu'en fait, avant même d'être découverte, Jeanne avait suggéré qu'elle était en fait ni homme ni femme, hein, qu'elle était plus ou moins unique, on va dire. Ce qui avait été pareil, toléré, accepté. Bon. Mais apparemment, selon le médecin de l'Étoile, certains valets, non pas des hommes d'équipage, mais des valets des autres officiers, auraient été voir de plus près. Voilà. Donc, il n'en dit pas plus. Mais... Oui, on a compris, effectivement. Comment ça va se terminer? Elle est à Tahiti, elle rentre, le retour est assez lent, il passe par l'île Maurice, enfin, ce qui est l'île Maurice aujourd'hui. Oui, alors le retour est très lent et très difficile tout le long du tour de la Nouvelle-Guinée, parce que la nourriture manque, hein, le scorbut sévit. Jeanne, elle, n'est pas malade. Hein, oui. Donc, elle est résistante. Elle est résistante. Vous dites elle est résistante. Qu'elle n'est pas bien grande, qu'elle est un peu chétive, mais finalement, elle tient très très elle bien le coup. Elle tient très très bien. Bah ouais. Oui, elle transporte des poids incroyables. Elle court dans la montagne, probablement pieds nus, hein, faut imaginer. Et en plus, elle a effectivement très bien résisté aux différentes traversées. Mm-hmm. Son compagnon, qui n'est pas son mari officiel, mais Philibert Commerson, évidemment, continue la route. Il va décéder en route. Alors en fait, pour Jeanne et Philibert, le voyage s'arrête à ce qui est aujourd'hui l'île Maurice, parce que Philibert Commerson est engagé, on va dire, par Pierre Poivre, donc et avec lui, il va fonder et enrichir le jardin des pamplemousses, qui est toujours une merveille de l'île Maurice. Et donc il arrête la traversée à l'île Maurice. Ouais. Il descend avec Jeanne. Et avec Jeanne, il continue ses recherches botaniques en allant à Madagascar, en allant à l'île Bourbon, dans des conditions qui sont toujours les mêmes. Et finalement, malheureusement, Commerson meurt à l'île Maurice et Jeanne se retrouve seule, sans soutien. À l'île Maurice. Alors qu'est-ce qu'elle va devenir? À ce moment-là, donc l'expédition de Bougainville est partie. Hein. Ils n'ont pas été jusqu'au bout avec Bougainville. Voilà. Alors, elle est donc à l'île Maurice. Que devient-elle? Alors finalement, elle s'en est pas mal sortie puisque il y a très peu de sources sur ce qu'elle est devenue, mais quand même, on sait qu'elle a lancé un cabaret. Donc ça veut dire quand même qu'elle a eu un soutien sur place pour financer ce cabaret. Et très peu de temps après, elle épouse un officier qui est de passage et elle rentre avec lui en France. Et une fois en France, elle suit son mari. Au passage, elle finit enfin son tour du monde. Hein, Elle rentre en France, elle l'a fait. Et sur place, elle va se battre. Et de façon extrêmement efficace, et ça c'est à noter, compte tenu de son origine sociale, c'est quand même remarquable. Elle se bat et elle obtient la réalisation du testament de Commerson et une pension du roi Louis XVI, oui, qui reconnaît son œuvre. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est important hein, de le dire, parce que Louis XVI, alors lui, je crois qu'il se dit, de toute façon, ça ne fera pas des mules, il n'y aura pas de suite, voilà. Mais quand même, il reconnaît l'apport de cette femme, la première Française officiellement à avoir fait le tour du monde, et qui a clairement contribué à la connaissance botanique. À la connaissance et à enrichir les collections botaniques du Jardin du Roi, en fait, c'est évident. Est-ce que pour autant, on peut dire que le voyage de Jeanne Barret a fait évoluer les mentalités? Alors, pas dans l'immédiat, parce que de toute façon, nous sommes dans les Lumières. Ouais. Après les Lumières et la Révolution française, de toute façon, bon, on sait bien que les mentalités, on va dire la misogynie des révolutionnaires était réelle, et celle de Napoléon, on n'en parle même pas. Donc après, il y aura une longue parenthèse avant que les mentalités reviennent à ce qu'était Bougainville, en fait. Hein, Et quelques décennies après le voyage de Jeanne Barret, une autre femme, Rose de Fraissinet, embarquera elle aussi déguisée en homme. C'est dire si les choses n'avaient pas tant évolué. Ça se passera tout de même un peu différemment pour Rose de Fraissinet. Vous allez nous raconter, Christelle Mouchard, son histoire dans la suite de cette émission. Daniel Fievé, le temps d'un bivouac. Around. I'm over you. But I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be C'était Alright de Jane sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Nous vous en remercions. Disposez. À vos ordres. Ça porte malheur aussi d'avoir une femme à bord. Ça porte malheur d'avoir une femme à bord. Voilà peut-être le genre de phrase qu'a entendu Jeanne Barret lors de son tour du monde dans l'expédition de Bougainville. Peut-être aussi que Rose de Fraissinet a eu droit à ce genre d'amabilité. Nous sommes au début du 19e siècle et les mentalités n'ont pas tellement avancé avec Rose de Fraissinet. Comme l'avait fait Jeanne Barret quelques décennies plus tôt, elle va se déguiser en homme pour participer à une autre expédition maritime, Christelle Mouchard. Qui est Rose de Fraissinet? C'est un autre profil que Jeanne Barret. Ah là, la différence est flagrante. Nous sommes aux antipodes du monde social, on va dire, parce que Rose de Fraissinet fait partie de la haute société. Et c'est tout simplement l'épouse du commandant de l'expédition. Mmh. Mais c'est assez étonnant parce que c'est une sorte de reflet inversé face à cette petite paysanne. Nous avons cette grande dame. Mais ceci dit, elles ont le même âge. Ouais. Et ce qui est notable, c'est qu'elles ont la même santé. C'est ça, la même santé, résistance. La même curiosité. La même capacité à s'opposer aux conventions sociales de l'époque, au qu'en dira-t-on, et de dire « j'ai ce goût d'aventure ». J'ai envie de partir. Voilà, aller. Et aussi, cette réinterprétation qui a été faite ultérieurement et à laquelle elle a elle-même participé, il faut bien dire, il s'agit d'une histoire d'amour et non pas d'une histoire de curiosité. Mmh. Et en fait, ça ne tient pas non plus, comme pour Jeanne Barret, elle est vraiment partie parce qu'elle avait envie de partir. Oui. Parce qu'elle était, non seulement elle n'était pas obligée de partir, mais en plus, elle était interdite à bord des vaisseaux des rois. Oui. Donc, elle s'est aussi déguisée en homme pour partir avec son mari. Mmh. Et alors, là où on peut dire quand même que la mentalité commence à un peu évoluer, c'est que dans le cas de Jeanne Barret, bon, il y avait un petit côté secret de Polichinelle, puisqu'on peut supposer que tout ça s'est fait progressivement et qu'elle a été découverte quand même assez tôt. Dans le cas de Rose de Fraissinet, à peine était-elle à bord, après la première escale, elle a enlevé ses vêtements d'homme et elle a pris les vêtements de femme. Dès le détroit de Gibraltar. Voilà. Ouais. Et en fait, on sait que le roi Louis XVIII était au courant et que comme Bougainville et comme Louis XVI, ils ont eu la réaction de dire de toute façon, c'est pas très grave, ça ne sera pas contagieux. Ouais. Voilà. Et probablement que, comme Jeanne Barret, elle avait un rôle qui n'est pas dit. Alors, elle a écrit. Mais elle a écrit d'une façon tellement fidèle aux conventions du temps que c'est un peu qu'il faut quand même décrypter le récit. Avant, on avait une femme muette. Là, on a une femme rendue muette par les conventions. Sous contrôle. Sous contrôle des conventions sociales. Ouais. Quel était le but de l'expédition à laquelle elle participe, Rose Alors, de Fraissinet? C'est la première grande expédition circumnavigation scientifique de la Restauration. Donc, on va dire que le but est double. C'est d'abord un but géographique. Fraissinet avait été déjà un grand géographe, son mari, et un grand navigateur, grand scientifique. Donc, il s'agissait de faire à la fois des recherches sur le magnétisme et de faire des relevés géographiques d'une partie de l'Australie qu'avait déjà un peu repéré Fraissinet dans une précédente expédition. Et on peut considérer aussi que c'était quand même, comme c'était la France de la Restauration qui était en voyage, qu'il s'agissait de montrer à chaque escale, qui étaient des grandes escales, des grandes colonies de l'époque, que la France était de retour dans le concert des nations en tant que navigatrice. Donc il y a une dimension géopolitique, diplomatique pour ce bateau. Ils partent en 1817 de Toulon pour situer... Longue expédition aussi, et qui se terminera par un naufrage. Alors voilà, il va y avoir un naufrage en 1820, extrait des mémoires de Rose de Fraissinet qui raconte effectivement la tempête juste avant ce naufrage. La dernière voile venait de se déchirer. On ne pouvait plus gouverner. On cria alors « Terre de l'avant !» Je crus que c'était fini pour toujours. Je remis mon âme à Dieu et j'étais abîmée dans l'idée de la mort affreuse que nous allions souffrir tous. Mes vœux étaient de me briser la tête contre quelque chose pour ne pas rester longtemps dans l'alternative de la vie et de la mort. On s'aperçut alors que cette prétendue terre n'était pas autre chose qu'une vague fort haute qui se dessinait sur l'horizon. Nous eûmes au moins 2 jours et 2 nuits de cette affreuse tourmente, pendant laquelle le vent, qui venait du sud, nous poussa vers le nord et décida Louis à relâcher aux îles Malouines, près desquelles nous étions, plutôt que de descendre à la baie du Bon Succès. Louis se dirigea donc de manière à rencontrer promptement ces îles. Nous les aperçûmes le 12 février, mais pendant peu de temps, à cause de la brume qui s'était formée et qui nous obligea à n'avancer que lentement vers le mouillage. Donc Louis, c'est l'époux de Rose de Fraissinet, c'est aussi le commandant de l'expédition. On comprend aussi pourquoi elle avait peut-être plus le droit d'exister en tant que femme à bord. À qui destine-t-elle ses écrits? Quand elle écrit ses mémoires, elle n'imagine pas que ce sera publié. Non seulement elle ne l'imagine pas, mais si elle lui avait demandé, elle aurait dit non. Ouais. Parce qu'une femme de bon ton, comme elle disait, n'écrit pas. Et il est bien précisé dans l'édition de ses lettres qu'elle ne s'est pas immiscée dans les travaux de son mari. Ouais. Hein, parce qu'une femme de la bonne société ne s'immisce pas dans les travaux de son mari. Par contre, elle va s'immiscer, si j'ose dire, en tout cas jouer son rôle social dans ses haltes. Elle prendra... Pourtant, les conditions de voyage sont très rudes. Là encore, la maladie, on l'entend avec ce naufrage également. Mais elle aura toujours à cœur d'être bien mise de sa personne. Exactement. Alors, ce sont des lettres qu'elle adresse à sa cousine et à sa mère, hein, donc qui n'ont été publiées que dans les années 30. Et effectivement, on se rend compte, et comme ce sont des lettres adressées à des femmes, à une jeune femme et à sa mère, on se rend compte que son rôle... Alors, une première lecture peut donner l'impression d'une femme superficielle qui ne pense qu'à ses robes et au dîner de réception dans les ambassades chez les gouverneurs. Juste après le naufrage, elle secoue une robe noire pour le deuil d'une personne. Voilà, c'est ça. C'est justement quand on arrive à ce passage où, après le naufrage, elle est restée 2 mois sous une tente de fortune au Malouines, une saison difficile. Donc elle a eu froid, elle a eu faim, elle ils trouvent enfin un embarquement et une escale brève à Montevideo, ils apprennent que le duc de Berry a été assassiné. Et donc, ce qu'elle fait avant d'arriver à Rio, donc on imagine l'état dans lequel elle était, dans un navire de fortune où elle regagne enfin la terre, la première chose qu'elle fait, c'est de coudre une robe de deuil, de façon à être en deuil pour le dîner qu'elle aura à l'ambassade de France à l'arrivée à Rio de Janeiro. Et ça révèle, pas sa coquetterie, mais ça révèle le rôle social qu'elle joue, c'est-à-dire de représentante aux côtés de son mari du royaume de France. Et à quel point elle est capable de prendre sur elle les situations les plus difficiles. Il faut imaginer dans une cabine malodorante, étroite, en train de coudre cette robe pour être présentable. Il fallait quand même un sacré tempérament pour ces femmes. On imagine, personne ne les a incitées, on les a même retenues. Elles sont parties dans la clandestinité et elles ont affronté des conditions extrêmement dures. Elles ont dû se sentir très seules dans ces moments où c'est elles qui avaient choisi d'être là, personne ne les y avait poussées et elles devaient faire face aux éléments. Effectivement, il y avait un double courage. C'est ça ce qu'on retrouve chez la plupart, même toutes les voyageuses. Effectivement, il y a un double courage, parce qu'il y a le courage effectivement physique, qui consiste à affronter les éléments, les intempéries, les dangers, et le courage d'être seule face aux hommes qui la jugent, et être seule face aux hommes qui la jugent, avec l'intelligence de gagner leur place et d'être reconnue. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que ces femmes, effectivement, embarquées à bord des vaisseaux du roi ou de la marine nationale, c'est qu'elles avaient l'intelligence de se faire accepter. Il y a d'autres exemples de femmes qui se sont déguisées ainsi pour monter à bord de ces bateaux ou participer à des expéditions dans lesquelles elles n'étaient pas les bienvenues. Alors, il y en a. On ne connaît certainement pas tous les noms. Quelques noms émergent. Moi, je connais celui d'Adélaïde Ely, qui était une jeune femme qui avait 17 ans quand elle a été découverte, qui s'était embarquée à 11 ans. Donc comme mousse à bord des vaisseaux du roi pendant la guerre d'indépendance américaine, qui a fait tous les combats, qui a été faite prisonnière par les Anglais sans être découverte, et qui a d'elle-même, quand elle est rentrée, quand elle a été libérée, d'elle-même a déclaré son sexe à l'arrivée, et qui néanmoins a reçu effectivement une pension pour reconnaissance de services rendus. Alors ça, c'est un des noms qu'on connaît, mais il y en a peu évidemment. Chris. Suite et fin de notre bivouac consacré à ces femmes qui ont osé prendre la mer alors qu'on le leur interdisait. Vous êtes bien sur France Inter. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elles rient de bonté. Ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds? Mes amours dessus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachure. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps mentit entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi. Que thank you. shaking. Dame, dis-moi, c'était Christine and the Queens, alias Chris, maintenant. Vous écoutez France Inter et la programmation musicale est signée Elsa Béranger. Combien de campagnes en mer Anita Conti ? Je ne les compte plus, il y en aurait trop, je crois que je compte le nom des navires, les noms des navires sur lesquels je suis passée, tour à tour. Et quelle est la plus grande période de temps en mer pour que vous ? J'ai passé d'un seul trait. Oui. Eh bien, je crois que c'est une campagne entre Casablanca et Dakar, parce que je suis passée sur plusieurs navires, et là, je suis restée 8 mois sans toucher terre. Mais c'était en mer relativement chaude, tandis que la dernière, ce fut 140 jours, entre Terre-Neuve, Groenland et Labrador. Mais est-ce que vous croyez que d'être à bord ainsi sur des navires de pêche, c'est une place pour une femme ? Oh, je n'y ai jamais songé. Jamais, je pense que personne autour de moi n'y a songé. Je suis tout naturellement à cette place. Et lorsque je veux passer d'un navire sur un autre, ceux de l'autre navire m'accueillent avec déférence, amitié. J'imagine et je ressens que je suis partout, vraiment chez moi, accueillie. Anita Conti, hein, en 1953, donc cette océanographe française, la première, on lui demandait encore si sa place de femme était bien sur un bateau. Christelle Mouchard, c'est-à-dire qu'au XXe siècle, ça allait mieux. On n'était pas obligé de se déguiser en homme pour monter sur les bateaux, mais encore, certains se posaient la question. Anita Conti ne s'est pas déguisée en homme, mais elle était les premiers navires officiels sur lesquels elle est montée, faisait semblant de ne pas la voir. Elle était chargée de mission, elle n'était pas fonctionnaire, et elle n'avait pas de poste officiel, alors qu'en fait, elle faisait un travail d'océanographie. Mmh. Et lorsque la guerre est déclarée, sa connaissance des courants marins ont fait qu'on a demandé à ce qu'elle soit affectée sur les chalutiers des mineurs, un poste extrêmement dangereux, vous l'imaginez. Mais comme les femmes étaient interdites toujours à bord des vaisseaux de la marine nationale, on lui a fait une autorisation spéciale. Ouais. On voit, hein, ça a évolué quand même assez doucement la position des femmes et le droit pour les femmes de naviguer dans cette marine nationale. On en est où aujourd'hui d'ailleurs, Christelle Mouchard ? Alors bon, énormément de ça a beaucoup changé, mais lentement en ouais, fait. Quand hein. même lentement. Actuellement, la marine nationale compte environ 15% de femmes dans ses effectifs, dont 9% embarquées. Ouais. Et tout récemment, donc cette année, une grande date s'est fait jour, c'est puisque 4 femmes ont été embarquées dans un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, et de façon tout à fait acceptée. Oui, officielle, évidemment, elles ne se sont pas déguisées, mais ça date de juillet 2018. Oui, avant cette date, il n'y avait pas eu de femmes à bord des sous-marins. Des sous-marins français. C'est une grande date. Merci à vous, Christelle Mouchard. Je cite l'un de vos ouvrages sur le thème des exploratrices d'hier, elles ont conquis le monde, les grandes aventurières entre 1850 et 1950. C'est paru chez Artaud et puis on mettra une bibliographie plus complète vous concernant sur le site de l'émission, sur franceinter.fr. Merci Christelle Mouchard. Dans chaque départ, il y a un retour. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Dans chaque retour, il y a un départ aussi. Demain à 16h, nous reviendrons sur un film culte sorti il y a 50 ans tout juste, qui a inspiré bien des cinéastes, mais aussi de nombreux scientifiques. 2001, l'Odyssée de l'espace. Et puis à 17h, Piolet et Bonnet seront de rigueur. Nous tenterons l'ascension du Mont Blanc. À demain donc pour de nouvelles aventures.